Bon matin. Salutations à ceux que je ne connais pas, ceux que je connais aussi. Je devine un peu ce qui s'est passé en voyant les traces d'eau sur le tapis. Ça tombe bien, c'est par hasard mon sujet ce matin. Je passais comme ça devant le bâtiment et non. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? C'est de ça dont on veut parler ce matin. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, j'ignore ce qui a été dit avant moi, mais je pense que je vais pouvoir compléter un peu. Le geste d'obéissance au Seigneur dont on a été témoin, en tout cas, j'ai pas été témoin, mais je vais croire les traces d'eau sur le plancher. C'est une démonstration extérieure, c'est un témoignage public. Test. Alors on disait, ce qu'on a vu là, c'est une démonstration extérieure de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, un témoignage public. C'est pas quelque chose qui pouvait se faire tout seul dans une chambre. Je me baptise. Et c'est un événement intérieur qui s'est passé dans la vie de Nicolas et d'Ézéchiel. J'espère que... oui, OK. Il y a peut-être eu des nouveaux entre-temps. Mais c'est l'événement le plus significatif qui peut arriver à une nouvelle personne. Ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est comme ça que Dieu appelle ça dans sa parole. Et il y a un passage qui décrit particulièrement bien ce qui se passe. Et on va aller le lire aujourd'hui, Romains 6. Je vais lire des versets 1 à 11. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Ici, c'est rendu un peu timidement en français, là. En grec, ça a vraiment une valeur forte, là, du genre « au non jamais, au grand jamais ». Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature, ou notre vieil homme, a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché ou justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, je vous invite à remarquer, premièrement, combien de fois on parle de mort. C'est la symbolique de ce qui s'est passé. Quand on plonge la personne sous l'eau, c'est exactement de mort dont il est question. Mais cette mort-là, ce n'est pas passé là dans l'eau tout à l'heure. Ça, c'est une représentation de ce qui s'est passé avant dans la vie des personnes qui témoignaient publiquement ici. Mais il est aussi question de vie. Et ça, c'est la résurrection, la renaissance, quand la personne réémerge de l'eau. Ça, c'est la symbolique du baptême. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas de l'eau bénite, c'est pas magique, mais c'est une représentation. Et c'est une identification aussi totale avec celui à qui c'est arrivé le premier, le Seigneur Jésus. C'est d'abord de sa mort dont on parle et de sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. Avez-vous noté dans le texte, on a parlé qu'on devient même une même plante par la conformité à la mort de Christ, on devient une même plante avec lui, un même organisme vivant. Encore une fois, ce n'est pas ce baptême d'eau-là qui fait ça. Mais c'est le véritable baptême spirituel qui s'est produit dans la vie des individus qui en témoignent aujourd'hui. Alors, cette espèce d'union avec Christ, qui est une union absolument unique, complètement intime, communion, et permanente, ça implique qu'on doit mourir avec Christ. Si on veut vivre avec Christ, on doit d'abord, on doit aussi mourir avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question à laquelle on va s'attarder ce matin, hein? C'est bien beau dire on veut vivre avec Christ, puis on doit mourir avec lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est pas? Hein? Qu'est-ce que c'est pas mourir avec Christ? Ben, c'est pas physiquement mourir sur la croix, c'est lui seul là, qui est mort de cette façon-là unique, parce qu'il avait un rôle unique à jouer, il était le seul candidat légitime dans l'univers pour mourir sur la croix, puni pour des péchés qui n'étaient pas les siens. Personne d'autre pouvait faire ça. Donc, ce n'est pas de cette mort-là dont il est question. Ce n'est pas moi qui est mort physiquement sur la croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je reviens au texte qu'on a lu, il y a des expressions synonymes dans le texte. La première qu'on rencontre, c'est mourir au péché. On voit ça dès le verset 2. Certes, nous qui sommes morts au péché. C'est difficile à comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir au péché? Bien, on le comprend peut-être par son contraire. Ça veut dire ne plus vivre pour le péché. Hein? Je vis pour autre chose. Je suis mort au péché, je vis pour autre chose. Je ne vis plus pour le péché. On a vu aussi l'expression au verset 6, « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. » C'est la crucifixion de la vieille nature, de mon vieux moi, mon vieil homme. Mais la crucifixion, ce n'est pas juste une torture, hein? Ça fait mourir. Le résultat de la crucifixion, c'est la mort. On en parle aussi comme de l'impuissance. C'est encore au verset 6. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. C'est encore un synonyme de ce que ça veut dire mourir avec Christ. Je note aussi que nous, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, il n'y a pas de afin, excusez, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors là, ici, il y a un affranchissement qui est arrivé, comme un esclave, comme on se l'imagine, à qui on rend la liberté. Il n'est plus redevable de quoi que ce soit à son ancien maître. Il est affranchi. Et c'est aussi la justification du péché. Hein? Quiconque, celui qui est mort, est quitte du péché ou justifié du péché. Ce sont tous des synonymes de ce que ça veut dire que mourir avec Christ. Ce sont des choses qui se sont réellement produites, non pas seulement que des images, mais des choses qui ont des réalités, qui ont une réalité spirituelle correspondante dans la vie des gens qui passent par là. Mais on ne peut pas s'arrêter en essayant seulement que de trouver des synonymes ou d'essayer de définir ce que c'est que la mort avec Christ. C'est vraiment seulement que la moitié de l'équation. C'est pas juste la fin de l'esclavage et voilà, tu es libre et va errant ça et là, comme bon te semble. Non, c'est pas juste la rénovation de quelque chose d'ancien. Hein. C'est carrément la recréation. C'est la fin de l'existence de l'ancienne personne. Il n'y a pas de continuité. Hein? Souvent, on a cette mauvaise conception-là qu'on se bat encore avec l'ancienne nature. Non, ici, on ne se bat pas avec ça. Cette ancienne nature-là, c'est fini. On ne peut pas être crucifié et encore vivant. On a ce passage qui est célèbre pour certains d'entre nous, mais on ne va pas présumer qu'il l'est pour tout le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle création? Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit une nouvelle vie. Ici, maintenant. Jésus lui-même a dit, Jean 5, 24, « en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Il est passé de la mort à la vie, je pense que je le cite dans le désordre, mais il a la vie éternelle au présent. Et Jésus va le répéter de différentes façons, va le répéter de façon plus courte, Jean 6, 47, « en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et cette vie-là, c'est la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, avec qui on n'était pas en relation, mais plutôt séparés. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Par définition, un homme pécheur ne peut pas vivre en présence de Dieu. Et Dieu n'admet aucun péché dans sa demeure et dans sa présence. Et c'est lui qui définit les règles. Il est le créateur de l'univers. Qu'est-ce qu'on reçoit d'autre? On reçoit un nouveau Père. Non seulement on devient en relation avec lui, c'est le sens même de ce que c'est que la vie éternelle, mais en plus, le type de relation avec Dieu, c'est celui de Père-enfant. Et qui dit Père dit aussi famille. On reçoit une nouvelle famille. Cette famille-là, c'est l'Église. C'est la communauté des enfants de Dieu. On reçoit un nouveau maître, un nouveau Seigneur, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et avec un Seigneur, on reçoit une nouvelle mission. Une cause excellente, qui est de le servir et de le glorifier lui, de tout faire pour avancer son royaume, pour que son royaume soit avancé, premièrement dans notre propre vie. On reçoit également une nouvelle force, parce qu'avant on était sans force. L'Écriture nous dit même que c'est Christ lui-même qui vit en nous. Si j'ai été crucifié avec Christ, si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'Écriture nous parle aussi de celui qui vit en nous, le Consolateur, qui est l'Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus a envoyé. On reçoit un nouveau cœur. Parce que ce qu'on avait avant, notre ancienne nature, c'est un cœur de pierre. Et le nouveau cœur que Dieu nous donne en passant par la mort avec Christ, c'est un cœur de chair, un cœur vivant. On voit ça dans Ézéchiel 36-26. On reçoit un nouvel esprit aussi. Pas juste On n'est pas juste une coquille vide. On reçoit même un nouveau nom. Parce qu'on n'est pas juste maintenant un individu errant sans maître. On a maintenant un nouveau maître. Et le nouveau maître, il nous donne le nom qu'il veut nous donner. C'est lui qui a autorité sur nous et il ne va pas s'en priver. Mais on reçoit aussi une nouvelle joie qu'on n'a jamais connue avant, qu'on ne pouvait pas connaître. Une nouvelle paix, celle de ne plus avoir nos crimes, nos péchés, nos mauvaises pensées, nos mensonges, notre haine, nos meurtres. Parce que oui, haïr quelqu'un, c'est comme être meurtrier pour Dieu. On n'a plus ça sur la conscience en Jésus-Christ. Une nouvelle pureté de conscience, absolument inatteignable sans Jésus-Christ. On reçoit également un nouveau sens à nos souffrances, pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Mais maintenant, nos souffrances ont tout un sens, toute une raison d'être. Et la première raison, c'est qu'on n'est plus puni à cause de nos péchés. La punition, c'est réglé. Par contre, on peut être corrigé par notre Père qui nous aime. Ce n'est plus le prix de nos péchés que l'on paye. Et de toute façon, on n'aurait jamais pu le payer. On apprend plutôt que le Seigneur nous forme, que tout ce qui nous arrive, difficulté ou joie, concourt à notre bien, que Dieu va s'en servir pour se glorifier. Que Dieu ne nous laisse pas tomber. Et même que Dieu veut nous amener à la communion de ses souffrances. Souffrir pour lui, c'est une bénédiction pour nous. Ce n'est pas de la souffrance inexplicable qu'on subit sans comprendre. Et surtout, c'est la marque d'affection d'un Père qui nous forme. Il ne fait pas ça avec ceux qui ne sont pas ses enfants. Et nous avons aussi une nouvelle espérance, On l'a vu dans le passage de Romains. Verset 8, hein? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Bien qu'on ait déjà la vie éternelle, il y a une partie qui reste à accomplir et qui est celle de recevoir un corps glorifié et d'être réunis éternellement avec notre Seigneur Jésus et notre Père, Dieu. Et c'est notre espérance. C'est une autre raison d'endurer les passages plus difficiles de cette existence. Et la liste n'est pas exhaustive, mais tout ce qu'on reçoit de nouveau, c'était absent de notre ancienne vie. Alors, c'est ce que ça implique aussi de mourir avec Christ. On pourrait dire, et pourquoi pas une auréole avec ça, hein? Il me semble pourtant que les individus n'ont pas l'air différents avant et après. Es-tu sûr que tu n'exagères pas un peu? Bon, si c'était moi qui avais inventé ça, je pourrais douter, effectivement, mais ça ne vient pas de moi. Mais la différence n'est pas nécessairement dans la personne physique qu'on regarde. Elle est à l'intérieur. Elle va se manifester, tôt ou tard, par la vie de la personne en question. Alors, c'est un bref survol de ce que ça veut dire mourir avec Christ. Maintenant, comment est-ce qu'on meurt avec Christ? Toi, est-ce que tu veux mourir avec Christ ce matin? Il y a une seule et unique voie. La seule et unique voie, bon, pour mon aile droite ici, vous ne voyez pas, c'est écrit en toutes lettres et sur notre plafond. C'est le Seigneur Jésus, hein? Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne, nul, ne vient au Père que par moi. » Et venir au Père, c'est recevoir la vie éternelle. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous. On ne la lui a pas prise, il l'a donnée par amour. Sa justice a été complètement agréée, acceptée par Dieu. Et Dieu l'a ressuscité. Et maintenant, il vit. Il vit vraiment. Et il va revenir. Il va revenir bientôt. Ça, c'est la seule et unique voie. C'est lui. Dieu a désigné un individu par lequel on peut être réconcilié avec lui. Et c'est son propre fils, le Seigneur Jésus. Le seul et unique moyen, c'est la foi dans le Seigneur Jésus. Et notez bien ici que c'est l'inverse de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Et là, ici, je suis obligé de résumer l'histoire rapidement. Au Jardin d'Éden, on avait l'humanité que Dieu avait créée sans péché, l'homme et la femme, avec une seule consigne. Ils étaient parfaitement en relation avec Dieu. Ils pouvaient le voir face à face. Une seule consigne. Bien, bien, bien simple. À la portée du plus jeune ici. Touche pas. Bon, résumé. Mange pas. Mais c'est présenté le père du mensonge, le diable. Et qu'est-ce que l'humanité a fait en Adam? Elle a cru ce mensonge-là. Elle a avalé ce mensonge-là et elle a agi en conséquence. Et ça a été le premier péché, la première désobéissance, la rupture de la relation entre Dieu et l'humanité. Et là, maintenant, pour faire machine arrière, Dieu a donné un moyen, c'est de croire la vérité au sujet de son fils Jésus. C'est l'inverse de croire le mensonge dans le jardin. Là, maintenant, c'est croire la vérité qui donne le salut. Et ça produit des gestes, comme croire le mensonge a produit le geste de désobéir. Là, ça produit le geste d'obéir. Ça, c'est le seul et unique moyen, c'est par la foi. Je mets toute ma confiance dans ce que Dieu dit, et ça va produire quelque chose. L'Écriture nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, je pense, et c'est en confessant de la bouche que j'ai oublié la fin. Mais je pense qu'on a l'idée essentielle. Ça ne peut pas rester caché. Comme on a vu, mourir avec Christ, c'est s'identifier complètement à lui. Et c'est s'identifier publiquement. Et pas juste à un moment donné, comme ça, dans un témoignage public, que le Seigneur Jésus ordonne en passant, mais aussi tous les jours de notre vie. Alors, je repose la question, est-ce que toi, tu vas mourir avec Christ ce matin? Est-ce que tu veux mourir avec Christ ce matin? Ou est-ce que tu préfères passer ton tour puis rester mort dans tes péchés? Et voici où tu te trouves. On va refaire un petit peu le même exercice que tout à l'heure. Ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? L'Écriture nous dit qu'il est tortueux et méchant par-dessus tout. Il est en pierre. Ton père, qui est ton père? L'Écriture nous dit que c'est le diable lui-même. C'est le père du mensonge. Et c'est un meurtrier dès le commencement. C'est lui ton père. Devine quoi? Il ne va rien t'arriver de bon avec ce père-là. Ton existence, elle est vide de sens. Tu peux travailler bien fort, mais tu ne combleras jamais ce vide-là. Et ça va être une suite de souffrances incompréhensibles. Tu peux essayer de te mentir, puis au mieux, tu vas réussir à vivre dans l'insouciance, mais toujours avec cette espèce de vide fatigant-là. C'est quoi ton espérance? C'est une punition, un tourment, sans fin. Et ça, sans fin, ça veut dire, c'est le désespoir total. Même dans la pire des épreuves, on espère une fin, que ce soit en étant délivré, en crevant. Mais là, c'est pas le cas ici. Il n'y en a pas de fin à cette punition. C'est ça, ton espérance. Si tu veux passer ton tour ce matin, ne pas mourir avec Christ. Alors, pourquoi est-ce que tu tarderais? Fais le saut. Crois au Seigneur Jésus et sois baptisé. Tu as peut-être déjà fait ce choix-là, mais j'espère que ce bref survol, ce rappel de ce que tu as perdu et de ce que tu as reçu en mourant avec Christ. J'espère que ça t'a rempli de joie. J'espère que ça t'a fortifié. J'espère que ça t'a rappelé quelque chose si tu l'avais oublié. Peut-être que présentement, tu as bien de la difficulté à croire que ça, c'est vrai. Que ça s'applique à toi parce que qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut toujours accuser. Tu n'es pas à la hauteur. Ça ne doit pas être tout à fait vrai ou ça ne doit pas être vrai dans ton cas. Peut-être que tu doutes de ça ici. Peut-être que tu as du mal à croire que tu es une nouvelle créature. Ben, si c'est le cas, Tu as douté? Repens-toi. Avec le Seigneur, c'est simple. Repens-toi. Change de trac en québécois. Puis crois ce que ton Père te dit. Remets-toi à marcher. C'est bon, M. le Président.